C'est au scandale simple que le grand libérateur demeure. Entre la surface intime, la couture exotique, d'une bouche d'ombre jaillit ce fantasme palpable. Il ne tardera pas à rouler sur les bouliers, à accoupler les bout à bout pendant la lucidité des yeux séchés, à s'enrouler autour des porteurs du monde par un baiser irradié. Alors, la sueur de pluie suinte de l'utérus noir. Comme quand le cumulus crisse ses incisives sur les éclairs salivaires, comme une overdose de souvenirs, sacrifice des raisons, comme la pomme que je te donne parce que tu la nommes. Déchire ici, déchire hier, l'unicité pantelante qui désigne l'holocauste du nuage missionnaire abstentionniste pour absoudre le désir coordinateur en giclées jumelées lors de l'inversion initiatique sous forge céréalière, prisant l'insinuation chtonienne en train d'onduler vers cette confusion magnétique si le déjà-vu n'a pas de drame stocké depuis son dernier feu phosphénique. Déchire tout le temps, déchire à tout endroit les bulles abrasives du flux d'artifice qui distille, qui expulse, qui accomplisse, qui tisse, qui affranchisse, qui plisse, qui gicle, qui glisse quand tu te dis par interface pathogène et que tu suffoques au sein de la touffeur sociale ou sous ses vices savants. L'archiviste lèche les griffes de la colonne. Son solstice atteste la cyprine galactique, alors que fumée et fume le fourré fourre par des dindes médiatiques. Certains sont des satellites négatifs avant de s'unir au centre. Texture invisible. Frontières lisses, pépé poussière, lierre écailleux. Plasma ludique. Attention protocolaire figée en jeu. Haut les mains, faute de lumière. Cette tension frise l'essence de l'ombre, tête de liste. Le lien est un choix, c'est civilisateur. 12, 12, 12. En cas de besoin, mangez humain et tout va bien.